Et comme Graciano, l'ami de Bassanio, et Nerissa, la suivante de Portia, se sont plu, ils se marient en même temps que Portia et Bassanio. Arrivent alors chez Portia le couple de fugitifs, Lorenzo et Jessica, porteurs d'une lettre. Cette lettre leur apprend qu'Antonio ne peut rembourser Shylock. Bassanio et Graciano retournent alors à Venise pour sauver Antonio avec plus d'argent qu'il n'en faut, prêté par Portia. De leur côté, à l'insu de leur tout récent mari, Portia et Nerissa, déguisés en hommes, se rendent également à Venise. On y retrouve alors le marchand Salarino, l'usurier Shylock et Antonio, que Shylock a fait arrêter pour défaut de remboursement.